Comme vous l'avez serrée, cette corde. J'ai les poignets brisés. Si elle vous blesse, je puis la desserrer. Laisse-moi m'échapper. Nous ne sommes pas ici pour tirer de valiverne. Tu es de Navarre, n'est-ce pas? Moi aussi. Avec votre bouche et vos cheveux, tout vous dit bohémienne. Bohémienne, tu crois? J'en suis sûr. Oui, je suis bohémienne. Et alors? Tu n'en feras pas moins ce que je te demande. Je t'ai vu quand tu as caché la fleur. Tu peux la jeter maintenant. Elle est restée assez longtemps sur ton cœur. Le charme a opéré. Tais-toi. Je te défends de me parler. C'est très bien, seigneur officier. Vous me défendez de parler. Je ne parlerai plus.